Bonjour à tous, vous êtes sur le 89.5 de Radio Dio. Vous écoutez Cours Lola, le vieux monde est derrière toi. C'est Sarah qui vous parle, je suis ici avec Cassandre et Delia à la régie. Dans notre émission, on va laisser la parole aux jeunes, parler de musique, de livres et de cinéma. Je laisse Delia vous présenter le sujet de l'édition de ce mois-ci. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la façon dont les jeunes sont perçus dans la société et dans les médias en général. On entend souvent les adultes dénigrer les jeunes et on entend souvent les jeunes se plaindre des clichés qu'on leur colle sur le dos. Avec les filles, on s'est donc posé plusieurs questions. Est-ce que les jeunes sont écoutés dans notre société? Est-ce que les adultes ont une bonne image d'eux? Est-ce que les médias véhiculent une image biaisée de la jeunesse? Pour répondre à tout cela, on a interviewé des gens en micro-trottoir. Avant d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, on vous passe tout de suite une chanson choisie par Cassandre. Alors, je voulais vous faire écouter Down by the Water de PJ Harvey, de son album To Bring You My Love, sorti en 95. Je voulais vous la faire écouter parce que déjà, je suis toujours dans ma période PJ Harvey et que c'est une chanson que j'adore. Voilà, bon allez, je vous laisse écouter. Bon alors, Sarah, en toute honnêteté, t'en as pensé quoi ? C'était un peu spécial, mais en vrai, j'ai bien aimé. Ce que j'ai préféré, c'est le passage de la fin. Ça nous emmène vraiment dans un univers un peu glauque, un peu bizarre. Et ça, j'ai bien aimé, merci. C'est tout à fait ça. Et toi ? Moi aussi, j'ai trouvé ça très sympa. Les guitares saturées, puis les jeux de voix un peu aigus, ça m'a fait penser à Placebo, donc vraiment sympa. Ok, nickel. Eh bien, on peut... Oula. On va passer au prochain micro-trottoir. Donc, on a interviewé plusieurs jeunes à notre lycée, comme on vous l'a dit. On a interviewé Lola, Tom, Amélie, Lily et Raphaël, des lycéens qui ont bien voulu nous répondre dans notre bahut. Et on va écouter tout de suite ce qu'ils ont à nous dire. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 16 ans et je suis au lycée Foriel. Tout d'abord, est-ce que tu te sens écoutée en tant que jeune ? Oui, chez moi, dans ma famille, oui. Ouais. Et au lycée aussi ? En vrai, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que c'est le principe du lycée, enfin, c'est un peu son travail en fait, d'aider les jeunes, etc. À certaines échelles, je trouve un peu moins dans le cadre du lycée. Mais sinon, de manière générale, oui. Et est-ce que tu trouves que les médias y véhiculent une bonne image des jeunes ? Pas toujours. Ça dépend en quel média. Mais ça peut parfois être bien dans le sens où c'est avantageux. Et parfois, ça peut être des choses qui sont détournées ou des mauvaises images. Donc ça dépend des médias, je dirais. Et les adultes, en général, tu trouves qu'ils véhiculent une bonne image des jeunes ou pas ? Je trouve que ça dépend des générations. Mais il y a un peu le côté où la génération d'après, elle fait moins bien. Donc je dirais que les personnes âgées, oui, un petit peu. Mais les adultes, de manière générale, j'ai pas spécialement cette impression-là. Mais oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui partent du principe que les jeunes, ça va pas. Et selon toi, est-ce que les jeunes pourraient être mieux représentés dans la société ? Oui, je pense que les jeunes pourraient mieux être représentés dans la société. Comment, par exemple, si t'as des idées ? Déjà, je trouve que à l'échelle, en tout cas gouvernementale, je trouve que c'est principalement des personnes qui sont des personnes âgées, justement. Donc déjà, je pense que c'est un bon point pour dire que les jeunes ne sont pas assez bien représentés. Et puis, je pense qu'il y a certains moyens, par exemple, pour mettre des moyens dans l'éducation nationale qui ne sont pas assez développés ou des questions qui devraient, je pense, plus porter sur les jeunes qui ne le sont pas. Merci. Bonjour, alors déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Lula Véro, j'ai 17 ans et je suis en classe de première au lycée Floride. Tout d'abord, est-ce que tu te sens écoutée en tant que jeune ? Je trouve qu'on a des moyens de s'exprimer, comme par exemple les réseaux sociaux, mais que c'est des moyens qui ne sont pas vraiment pris au sérieux par les personnes qui sont souvent plus âgées. Du coup, même si on a les moyens de s'exprimer, je trouve qu'on n'est pas forcément écoutée. Et chez toi, est-ce que tu trouves que t'es écoutée, par exemple ? Oui, avec mes parents, ça se passe très bien et je pense être écoutée. Ok. Et au lycée aussi ? Au lycée, oui, je pense que oui, parce qu'en soi, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour l'écoute des jeunes, comme la MDL ou encore le CVL, qui nous permettent de donner notre avis et d'avoir un impact sur la vie du lycée. Et est-ce que tu trouves que les médias y véhiculent une bonne image des jeunes aujourd'hui ? Non, je trouve qu'ils véhiculent une mauvaise image des jeunes. Souvent une image où est-ce qu'on est feignant, toujours sur un téléphone et sans aucun engagement, alors que pourtant c'est faux. Voilà. Et les adultes, en général, est-ce que tu penses qu'ils véhiculent une bonne image ? Non plus. Je pense pas qu'ils véhiculent une bonne image, parce qu'ils ont quasiment les mêmes avis que les médias. Leur avis, d'ailleurs, se fonde souvent sur les médias. Et ça renvoie une mauvaise image des jeunes qui pourtant sont pleins d'engagement et peuvent faire de choses merveilleuses. Et selon toi, est-ce que les jeunes pourraient être mieux représentés dans la société ? Oui, ça c'est sûr. Comment par exemple ? Je pense qu'il y a plusieurs moyens de mettre la parole des jeunes en avant. Enfin, par exemple, je sais que dans la commune où est-ce que je suis, on a pour projet de créer un conseil consultatif des jeunes qui, du coup, leur permettrait d'avoir un véritable impact dans la commune et, du coup, de pouvoir se faire mieux entendre et être représentés. Merci beaucoup. Est-ce que tu te sens écoutée en tant que jeune ? Dans ma famille, bien sûr, je sais qu'ils seront toujours là à mon écoute. Ailleurs, enfin, au lycée, je sais que si je veux demander à un professeur, il sera là pour me répondre, même si ce n'est pas les premières personnes aux qui j'irai. Est-ce que tu trouves que les médias véhiculent une bonne image des jeunes ? Ça dépend les médias. Je dirais que si on prend les médias en tant que réseaux sociaux, j'aurais tendance à dire non. Les autres, je suis pas trop, mais... Bonjour, je m'appelle Lily Roy, j'ai 17 ans et je suis élève au lycée Foriel à Saint-Étienne. Est-ce que tu te sens écoutée en tant que jeune ? Pas spécialement, je trouve que les jeunes n'ont pas une place assez importante dans la société. Et chez toi, dans ta famille ? Dans ma famille, oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu trouves que les médias véhiculent une bonne image des jeunes ? Je trouve qu'on monte beaucoup de négatifs sur les jeunes et assez peu de positifs, donc non, pas spécialement. Et les adultes en général, est-ce que tu trouves qu'ils véhiculent une bonne image des jeunes ? Ça dépend des adultes, mais les anciens en général ont tendance à critiquer la génération d'après parce qu'ils ont du mal, je trouve, à comprendre les jeunes. Ils critiquent beaucoup, par exemple, par rapport aux écrans, aux réseaux sociaux, parce que c'est pas des choses qu'ils ont connues. Et ils ont tendance à le critiquer. On est souvent traités de fainéants, les jeunes, puisqu'on reproduit pas le même schéma que les anciens, mais c'est pas pour autant qu'ils nous critiquent tous. Et selon toi, est-ce que les jeunes pourraient être mieux représentés dans la société ? Oui, je pense largement. Déjà, s'il y avait plus de... Comme dire, si les jeunes avaient plus d'accès, par exemple, en politique, puisqu'on ne leur donne pas vraiment d'avis. Et puis, s'ils étaient plus représentés, oui, sur, à la télé, tout ça. Et ben, merci beaucoup. Je m'appelle Tom, je suis un élève de première au lycée Foriel. Bonjour Tom. Donc tout d'abord, est-ce que tu te sens écouté en tant que jeune ? Oui, ça dépend dans quelle situation. Des fois, dans la société, donc au lycée, ça dépend, mais il y a certains profs, oui, certains non. Et sinon, normalement, oui, je me sens écouté dans la société. Est-ce que tu trouves que les médias véhiculent une bonne image des jeunes ? Oula, ça dépend des fois. Certains oui, certains non. Après, ça dépend aussi des jeunes, si eux donnent une bonne image d'eux-mêmes ou pas. Et les adultes, en général, tu trouves qu'ils véhiculent une bonne image des jeunes ou pas particulièrement ? C'est comme pour les médias, ça dépend des adultes. Certains, oui, qui sont compréhensifs et qui donnent une bonne image des jeunes. Et certains, non, qui dénigrent les jeunes. Selon toi, est-ce que les jeunes pourraient être mieux représentés dans la société ? Oui, les jeunes pourraient être mieux représentés, ça c'est sûr. Par exemple, si on enlève les personnes qui les dénigrent ou qui n'ont pas une bonne image d'eux tout court, ou si les jeunes eux-mêmes donnaient des fois une meilleure image. Merci beaucoup. Eh bien, on peut déjà remercier les lycéens qui ont bien voulu nous répondre. Et maintenant, juste avant d'écouter les micro-trottoirs des adultes, on va écouter une chanson qu'a choisie Delia. En effet, je vais vous faire écouter la chanson My Honest Face du groupe Inhaler, originaire d'Irlande. Le chanteur est le fils de Bono, mais même pour les moins fans de U2, donnez une chance à ce groupe hyper innovant, parce que c'est vraiment, vraiment super bien. When you're young. Franchement, Delia, c'était super bien. Ça m'a même fait penser un peu à Arcade Fire. J'ai trouvé qu'il y avait un petit truc. Ouais, franchement, c'était trop bien. Moi, j'ai adoré les instrumentations. Vraiment, elles étaient hyper dynamiques et tout. Franchement, j'ai trop kiffé. Merci beaucoup. Et eh ben, merci beaucoup, les filles. Après, et puis, pardon, Sarah, vas-y. Pardon. Après avoir écouté l'avis des jeunes, place à celui des adultes. Vous êtes toujours sur le 89.5 de Radio Duo et on écoute toujours Cours Lola, le vieux monde est derrière toi. Et on écoute aussi tout de suite Monsieur Patrick Chaudier, suivi de Madame Catherine Chamas. Je m'appelle Patrick Chaudier, je suis professeur de français, enfin de lettres, on doit dire bien comme ça, au lycée Claude Fauriel à Saint-Étienne. Quel est votre regard sur la jeune génération ? Il est forcément marqué par mon métier. Puisque les jeunes gens sont mon... C'est pas vraiment un objet de travail, ce sont plutôt les destinataires des leçons que je donne, que je dispense, et en quelque sorte mes interlocuteurs. Mais c'est difficile de parler d'interlocution, parce qu'en vérité c'est surtout moi qui tiens le crachoir, et c'est plutôt eux qui écoutent et qui de temps en temps répondent à des questions. Mais enfin, dans la mesure où je les vois tous les jours et où ils constituent finalement... où ils sont les figures essentielles de ma vie quotidienne, ça m'est difficile d'avoir un regard. D'avoir un regard, même en un mot, je suis incapable de dire quel regard j'ai sur la jeunesse, parce que c'est forcément compliqué. C'est-à-dire, je ne peux pas dire en un mot ce qui ne peut être que très long, très compliqué à dire et même très contourné. Est-ce qu'il y a pour vous des éléments particuliers qui caractérisent cette jeune génération ? Je ne peux en juger que d'après ce que je lis dans les copies. Et c'est peut-être que je ne ferai que répéter ce que disent les gens souvent, et qui est à mon avis, enfin qui ressemble beaucoup à un préjugé sur le sujet par exemple de leur faculté à s'abîmer dans les écrans. Enfin, quand je dis leur faculté, c'est beaucoup dire leur tendance, cet irrépressible besoin d'avoir des écrans sous les yeux, cette rapidité en tout qui renonce à l'approfondissement, cette légèreté, cette frivolité, cette désinvolture, ce sont les mots qui me viennent en tête. Ça ressemble à un préjugé d'adulte sur la jeunesse, mais je crains que ce ne soit en même temps une forme de vérité. C'est malheureux à dire, mais je crois que c'est ça. Néanmoins, ça ne concerne pas tout le monde. Mais je ne crois pas que tous les jeunes gens soient comme ça. Je suis plutôt à penser le contraire. Je pense qu'il y a une très très grande différence entre eux, au regard même des choses qu'on leur reproche, en ces termes-là. Que pensez-vous de l'image de la jeunesse véhiculée par les médias ? Très fausse. Très très fausse. Très décalée. Inexacte. Pétrie de fantasmes, de préjugés, comme je disais à l'instant. Pétrie de représentations toutes faites qui ne correspondent en rien à ce que moi je vois dans les classes. Très fausse. Est-ce que vous pensez que la société prend assez en compte la parole des jeunes ? Oui, beaucoup trop. Quelle différence faites-vous avec votre jeunesse à vous ? Très peu, parce que ma génération n'est pas tellement différente de la génération actuelle. Je pense que la façon dont la jeunesse a évolué, à la fois dans l'esprit des gens, mais aussi dans la réalité de la manière de se montrer, enfin dans ce qu'elle a manifesté d'elle-même, les vrais changements n'ont pas eu lieu entre ma génération et la génération actuelle, mais plutôt avant. Je pense que les vrais changements se sont produits dans l'immédiate après-guerre, dans les années 50-60. Mais pas tellement dans les années, dans les décennies qui ont suivi. Après tout, la jeunesse des années 70 et des années 80, c'est un peu la même. Je crois que le modèle de jeunesse auquel nous avons affaire aujourd'hui est apparu depuis les années 80, c'est-à-dire depuis 40 ans, et que ça n'a pas tellement évolué en somme. Moi, je reconnais bien dans les propositions mentales de mes élèves, à la fois ce qui relève du fantasme, ce qui relève aussi des catégories pour penser, ce qu'on appelle les catégories intellectuelles, dans leur imagerie, la façon dont ils se représentent les choses. Je reconnais bien, au fond, ce que moi-même je développais quand j'avais leur âge. Il n'y a pas tellement de différence. La différence, elle s'est faite avant. Est-ce que vous aviez le sentiment, étant jeune, d'être mieux écouté que les jeunes le sont aujourd'hui ? Pareil, je pense pas qu'il y ait tellement de... Comme je viens de le dire, je ne crois pas qu'il y ait tellement de différence entre l'écoute que l'on m'accordait à moi il y a 40 ans que celle que l'on accorde aujourd'hui aux jeunes gens. Je pense même d'ailleurs à tout prendre que l'on a une écoute plus grande des jeunes gens aujourd'hui, mais encore une fois, on le fait au titre d'une perception fausse de ce qu'est la jeunesse. On s'attend à ce que les jeunes gens répondent certaines choses, fassent certaines propositions, offrent de la société une certaine vision, alors qu'en vérité, ils ont des représentations du réel très très variées. C'est dans une classe de 35 élèves, il y a 35 personnalités, somme toute, assez différentes, et il y a au moins une demi-douzaine de représentations différentes du monde. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, en particulier sur la façon dont les médias véhiculent l'image de la jeunesse. Je me souviens à la fin des années 70 et au début des années 80, mais je me souviens d'une série télévisée qui s'appelait Pause Café. Pause Café, l'actrice principale, c'était Véronique Jeannot, qui jouait le rôle d'une assistante sociale dans un lycée. Et les jeunes gens auxquels elle avait affaire, donc les élèves auxquels elle avait affaire, la jeunesse telle qu'elle était représentée dans cette série, l'image qu'on offrait d'elle ne correspondait pas du tout à une réalité que moi j'allais bientôt connaître au même âge dans les années qui allaient suivre, et qui en tout cas ne correspondait pas à l'image des grands frères que nous connaissions ou des grandes sœurs que nous connaissions. J'avais des copains dont les grands frères et les grandes sœurs avaient l'âge des personnages de la série. Et c'était pas ça du tout. C'était absolument pas ça. Il y avait une différence très nette entre ce que l'on représentait sur l'écran de télé et ce que moi je voyais dans la réalité. Et cette fausseté dans la représentation de la jeunesse, d'ailleurs qui s'applique d'ailleurs d'une manière très générale à toute la représentation fictive, c'est-à-dire en particulier dans le cinéma, du milieu scolaire. Le milieu scolaire dans la fiction ignore radicalement ce que c'est que l'école. Ne sait absolument pas ce que c'est qu'un collège, ne sait absolument pas ce que c'est qu'un lycée, ne connaît pas les relations entre les professeurs et les élèves dans des écoles, a une vision très stéréotypée des professeurs et ne voit pas très bien quels sont les discours qui se tiennent. Surtout la jeunesse, elle est présentée comme beaucoup plus audacieuse, comme beaucoup plus rhétoriquement impliquée dans sa prise de parole, beaucoup plus gonflée, pour dire ça en un mot, beaucoup plus impertinente qu'elle n'est en réalité. En réalité, la jeunesse est beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, beaucoup plus docile, beaucoup plus craintive. Elle regarde beaucoup plus le bout de ses chaussures que ce qu'on voit dans les films. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Catherine Chamas, je suis professeure d'histoire-géographie dans un lycée à Montbrison et je suis aussi adjointe au maire de ma commune à Saint-Jean-Bonnefonds et je m'occupe plus particulièrement de la petite enfance, enfance-jeunesse. Tout d'abord, quel est votre regard sur la jeune génération ? Alors, donc moi, je porte un regard plutôt très positif sur la jeunesse aujourd'hui. Je pense qu'elle est pleine de promesses. En fait, elle a plein d'idées. Elle est militante, engagée, sur des combats qui n'étaient pas forcément les combats que je menais moi quand j'étais jeune. Par exemple, pour l'environnement ou pour l'égalité, pour la fin des discriminations, pour le genre, par exemple. Ça, c'est des thématiques qui n'existaient pas à mon époque et je les admire beaucoup pour ça. Que pensez-vous de l'image de la jeunesse qui est véhiculée par les médias ? Alors, après, ça dépend des médias, hein, évidemment, mais je pense qu'on peut trouver tout. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir forcément des médias qui vont présenter un peu la jeunesse comme étant décadente, qui passe son temps sur les écrans, qui ne s'intéresse à rien, qui n'a pas d'idéaux. Mais on a sans doute une autre presse qui va essayer justement d'aller chercher justement les nouveaux idéaux de cette jeunesse d'aujourd'hui. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, l'environnement. Donc je pense qu'on peut avoir deux aspects de la jeunesse en fonction du média qui va traiter de cette jeunesse, justement. Et pensez-vous que la société prenne assez en compte la parole des jeunes ? Alors, carrément non. Alors, je pense pas assez. Je pense qu'il y a les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certains jeunes qui, effectivement, peut-être s'enferment, s'isolent un petit peu, parce que c'est un fait hein, que les jeunes sont de plus en plus sur les écrans, et donc une partie des jeunes se désintéressent peut-être du monde qui les entoure au profit d'un monde un peu virtuel, mais en même temps, je pense qu'on ne les aide pas beaucoup non plus. Et c'est vrai que moi, par exemple, dans ma commune, j'essaye de créer un conseil consultatif des jeunes, c'est-à-dire une espèce de petit conseil municipal pour intégrer les jeunes, pour qu'en fait, ils essayent d'évoquer ce qu'ils aimeraient qu'on développe en termes de politique jeunesse dans la commune. Et ça, j'aimerais vraiment arriver à les intégrer justement dans la politique communale pour pouvoir les intégrer aux adultes. Et en fait, moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des jeunes, et les jeunes aussi ont beaucoup autre chose à apprendre des adultes. En fait, c'est un échange. Est-ce que vous faites des différences entre la jeunesse aujourd'hui et votre jeunesse à vous ? Oui, parce que c'est pas la même époque. Moi, j'étais jeune, je suis née en 1973. Donc j'avais 20 ans en 93, c'était la fin de la guerre froide. C'était une décennie où il n'y avait pas de on espérait qu'il n'y aurait plus de conflits, on pensait que c'était la fin des conflits en fait, hein, clairement, puisque cette grande guerre froide venait de se terminer. Donc je pense qu'on était plus serein sur notre avenir. Aujourd'hui, la jeunesse, elle vit dans un monde qui est beaucoup plus menaçant, il y a beaucoup plus de dangers, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre israélo-palestinienne, et ça rend et puis il y a le combat aussi pour l'environnement. Donc je pense que ça rend cette jeunesse à la fois plus stressée, plus angoissée. On a aussi beaucoup de problèmes de santé mentale à l'école, hein, de stress lié à l'école, à l'avenir, que nous n'avions pas du tout. Est-ce que vous aviez le sentiment à l'époque d'être plus écoutée que les jeunes ne sont écoutés aujourd'hui ? Non, je ne pense pas que j'avais l'impression d'être plus écoutée avant. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus, peut-être, il y a peut-être plus envie d'écouter les jeunes. Simplement, les temps de rencontre sont compliqués à organiser. Hein. Il faut mobiliser, les jeunes sont pris dans leurs études, après les études supérieures, donc c'est compliqué de les mobiliser, mais je sais qu'ils peuvent se mobiliser. Rappelez-vous quand il y avait les vendredis matins, où chaque vendredi matin, les jeunes se mobilisaient pour le climat à l'appel de Greta Thunberg. Ça veut dire qu'ils peuvent se mobiliser. Je pense que non, à mon époque, c'était moins. Je pense que la jeunesse était moins écoutée. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour finir ? Moi, je pense qu'il faut que les jeunes fassent entendre leur voix. Il faut que leur voix résonne véritablement. Et il faut que nous, les adultes, on soit prêts à les entendre et à les prendre au sérieux. Et pour qu'on puisse les prendre au sérieux, faut les impliquer. Et dès le plus jeune âge, en fait, hein, il faut leur apprendre à s'exprimer, à exprimer leur point de vue, à argumenter. Mais aussi, il ne faut pas les leurrer. C'est-à-dire que si on les écoute, on va vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on essaye aussi, après, de répondre à leurs attentes. Et puis surtout, je pense qu'il faut aussi beaucoup, beaucoup soigner cette société qui crée du stress. Et on a beaucoup de jeunes trop stressés. Donc, voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci à ces adultes d'avoir bien voulu nous répondre et d'avoir équilibré un peu notre propos. Et avant de vous livrer nos impressions et de débattre toutes les trois sur la perception des jeunes dans la société, sur notre sujet, on va vous présenter nos trois inspirations culturelles du mois. Et je laisse Cassandre commencer. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de Blackwater. Donc, c'est une histoire en 6 tomes écrite par Michael McDowell en 83. C'est un roman qui m'a vraiment marquée. C'est l'histoire, sans trop vous spoiler bien sûr, d'une femme, Elinor, qui apparaît mystérieusement lors d'une crue et va peu à peu s'immiscer dans la famille des Casquets. D'ailleurs, on retrouve un peu l'atmosphère de Down by the Water, la chanson de PJ Harvey qu'on a écoutée ensemble tout à l'heure. Voilà. Moi, mon inspiration culturelle de ce mois-ci, c'est le roman Anne de Green Gables. Ce roman, c'est le premier tome d'une série de 9 livres qui a été écrite par l'autrice Lucy Maud Montgomery dans les années 1900 à 1930. En bref, c'est la littérature jeunesse, mais d'il y a 90 ans. L'histoire, elle se passe au Canada. L'héroïne, c'est Anne Shirley. C'est une jeune fille qui est pétillante, qui est pleine d'imagination. Elle est vraiment très attachante. Elle a été adoptée par une famille et avec elle, on va partir à la découvrir de l'île de Saint-Édouard, du Prince-Édouard, où elle va grandir et s'épanouir. Ce livre, il est vraiment sympa à lire, très poétique, il y a des très belles descriptions. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le personnage de Anne parce qu'elle est vraiment très intense dans tout ce qu'elle ressent. Elle est très sensible, elle voit la beauté dans tout ce qui l'entoure, elle invente des histoires, elle est joyeuse, elle est maladroite et ça la rend vraiment attachante. Anne de Green Gables, c'est un livre qui m'a fait à la fois voyager et rêver. Et si vous avez la flemme de lire le livre, il y a une adaptation sur Netflix. Voilà. Pour finir avec nos inspi culturels, moi je vous présente le groupe Requin Chagrin, qui a été créé par Marion Brunetto en 2014. Elle a été rejointe depuis par un bassiste, un guitariste et un batteur classique. Ils font des chansons indie rock, c'est hyper entraînant. Les paroles sont poétiques, voire fantastiques. Et ils ont sorti leur troisième album studio en 2021, Bye Bye Baby. Leur musique est carrément influencée par The Cure, La Femme ou encore Cigarettes After Sex. En concert, Requin Chagrin, c'est vraiment le feu. Donc si vous les voyez passer, foncez, vraiment, c'est une valeur sûre. Et on va écouter tout de suite Fou de Requin Chagrin sur l'album Bye Bye Baby. Je n'oublierai jamais les fêtes sauvages de ta façon de maquiller l'orage. Ça me rend fou, fou, fou. Ça me rend fou, fou, fou. Maintenant, on continue en musique. On va écouter une musique que Sarah a choisie. Moi, j'ai eu envie de vous faire découvrir un jeune artiste local. Il s'appelle Birm. Il est polyvalent. Il fait du rap, du beatbox, de la composition. Et il a aussi été élève à la maîtrise de la Loire. Je vais vous faire écouter ECPLS. Ça, c'est un morceau qu'il a sorti en 2023. C'est un de ses premiers morceaux. Et cette chanson, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle me motive. Tout de suite, ECPLS par Birm. Pas tant de faire pour que tu sois tout pâle. Pas compte pour les sommes, pas tant pour un somme. Dans ma head, dans du sommeil. On veut que je sois un homme sur top du podium. Très vite, je vais toucher la paye. Girl, ça fait sexy, pas besoin de hide. Taille beat, S-boy, elle me fait fly. Elle me dit cash, je profite de la neige, de la look, il dit hide pendant que son petit ride. Car je suis une autre, mon séchette me travaille. Neurona 1, c'est un tout ça me parle. Crisélia, je fais appel à toi pour vider ma tête de tous ces cauchemars. En cause pour les sommes. Parle-moi, j'ai sommé. Un coup dans la pomme. Je dois toucher les sommes. En course pour les Quand je démarche, le style dans le taille. Mon léger, j'suis toujours au prime. J'suis blindé, j'prends pas les balles. Toujours un cri du succès, j'ai la dalle. Ça tourne au poil pour découper sale. Des petites chaînes de gudin, jamais je cale. J'suis la montre du fleuve et toi t'es l'aval. Demande à ta soeur comment tu laves. Ma voix, c'est règle, j'crois qu'il est angry. 4 AM, j'fais tour de la city. Jamais seul, always in my jeans. Sans hivernal, mais j'suis un anti de grease. J'suis aucun blunt dans la night. J'suis à ma rex, j'ai le smile. Ma bitch, elle est tight, tight. Beaucoup trop bon, j'suis dans les highlights, man. Eh bah, merci beaucoup Sarah pour cette découverte, moi ça m'a beaucoup plu et puis je trouve ça super sympa que ce soit un artiste local, donc merci. Ouais, c'est vrai que c'est cool qu'on écoute un artiste local et en plus jeune, d'ailleurs c'est le thème de notre émission. Il a 20 ans. Ah bah parfait, et bon après c'est pas ce que j'écouterais de moi, mais c'est pas mal. Voilà. Bon bah maintenant on va commencer le débat ici. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ? Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ces micro-trottoirs. Déjà, c'est Amélie qui dit la génération d'après, elle fait toujours moins bien. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est tous, nous a tous accusé une fois dans notre vie, mais c'était mieux avant, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Je trouve que c'est un peu un moyen facile de nous faire des reproches. Je suis pas très fan de cette phrase. Voilà. J'ai aussi bien aimé la phrase de Catherine Chamas, il faut soigner cette société qui crée du stress. Ça, je suis assez d'accord avec elle aussi parce que je trouve que nous, les jeunes, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous. Et peut-être que justement, c'est ça qui nous empêche de nous exprimer. C'est qu'en fait, on a trop d'attentes et du coup, on a trop d'attentes envers nous. Du coup, nous, on a trop d'attentes envers nous-mêmes. Et du coup, on a peur de se faire juger si jamais on s'exprime. Ça peut nous bloquer, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, moi aussi, je suis carrément d'accord. Et puis, en particulier, sur ce que tu as dit avec les écrans, les téléphones et puis les réseaux sociaux, surtout, on culpabilise souvent de nous-mêmes de passer trop de temps sur notre téléphone et sur les réseaux. Mais en fait, au final, les plateformes de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, par exemple, elles sont faites justement pour qu'on reste le plus longtemps possible dessus. C'est vraiment un piège de concentration, puis un contenu qui est toujours renouvelé, toujours nouveau. Enfin, c'est vraiment pour nous happer là-dedans, c'est comme une drogue. Et du coup, quelque part, c'est difficile d'en sortir nous-mêmes. C'est pas vraiment une question de libre arbitre. Et je pense que les parents aussi, et les adultes en général, ils ont une part de responsabilité là-dedans aussi, parce que c'est à eux de nous aider à pas sombrer là-dedans, en fait. Parce c'est sûr. Que de nous-mêmes, on peut difficilement le faire puisque ces applications et les téléphones en général sont faits pour qu'on ne puisse pas s'en détacher nous-mêmes. Ouais. Bah après, moi aussi, je voulais parler peut-être. On entend souvent qu'il y a un gouffre qui se crée. Bah, je le pense un peu aussi. Entre une jeunesse politisée, militante, notamment avec les questions d'écologie à l'heure actuelle, et avec une jeunesse qui aurait peut-être plus tendance à se renfermer sur elle-même, peut-être d'ailleurs sur les réseaux sociaux notamment, et les écrans en général. Mais visiblement, à toutes les époques, il y a eu des jeunesses différentes. Il n'y a jamais eu une seule jeunesse unie, je pense. D'ailleurs, c'est un peu ce que disait peut-être un peu Monsieur Chaudier, parce que la jeunesse, il a dit que la jeunesse s'est perçue comme beaucoup plus audacieuse qu'avant, alors qu'en réalité, elle n'a pas tellement changé. Je pense qu'avant, c'était déjà le cas, voire peut-être pire. Et voilà, je pense qu'il y a toujours eu une jeunesse engagée et que ça n'a pas forcément changé de ce point de vue-là. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un écart entre les générations, notamment au niveau du téléphone portable. Enfin, je sais que les adultes, donc nos parents, ils n'ont pas grandi comme nous, on a grandi avec les écrans. Eux, ils ont vu arriver le téléphone progressivement d'un œil plus ou moins sceptique. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui crée un écart entre nous, quoi. Ouais, sûrement. Mais ouais, je pense que je pense la même chose que vous, en fait, on va finir par se répéter. Mais comme tu l'as dit, Cassandre, c'est cette histoire de gouffre entre les élèves dont Catherine Chamas a aussi parlé, et entre les jeunes en général, parce que tous ne sont pas élèves, justement. Je trouve que c'est vraiment pas super, parce que il y a des jeunes hyper politisés et il y en a d'autres qui le sont pas du tout. Il y en a qui n'ont pas du tout eu un accès à la culture suffisant et qui n'ont pas pu développer assez de connaissances pour avoir un œil critique sur ce qu'ils voient, sur le monde qui les entoure. Et le rôle de l'école, justement, je pense que ça devrait être ça, de vraiment donner une chance à tout le monde et que tout le monde soit sur un pied d'égalité en apportant les mêmes connaissances et la même culture à tous les jeunes. Et pourtant, l'éducation nationale n'arrive pas à faire ça. On l'a bien vu. Donc, on le sait tous. Voilà. Donc, vraiment, c'est hyper triste qu'il y ait autant de jeunes qui soient pas du tout conscients du monde qui les entoure, des enjeux dans notre société aujourd'hui. Il y en a qui n'ont absolument pas la parole. Et nous, par exemple, on peut s'exprimer sur une radio, mais certains jeunes peuvent pas du tout. Ils n'ont pas du tout accès à la culture et certains n'ont probablement même pas idée qu'on puisse s'exprimer sur une radio. Mais c'est vrai que oui, il y a certains jeunes qui sont écoutés. Par exemple, nous, on nous laisse polluer les ondes de 89.5, mais effectivement, oui, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. C'est clair. Et aussi, peut-être un retour un peu moins bien pour notre émission, c'est que je pense qu'on a eu un petit manque d'objectivité, si je peux me permettre, parce que en fait, On a interrogé deux professeurs, donc c'est-à-dire deux personnes qui sont peut-être plus aptes à nous donner une idée plus positive des jeunes que d'autres personnes. Ils les connaissent mieux, en fait. Voilà, ils sont avec eux au quotidien, ils font cours à des jeunes comme nous, donc ils ont sûrement une image plus positive que peut-être d'autres personnes. Voilà. Mais oui, c'est clair. Et puis en plus, même parmi les jeunes qu'on a interrogés, on n'avait pas non plus accès à un très grand panel de jeunes. On a interrogé des jeunes en général de notre âge, donc 16 ou 17 ans, qui sont en lycée général dans un centre-ville. Mais il y a évidemment tellement d'autres jeunes en France dans des lycées professionnels, déscolarisés, dans des filières technologiques, ou alors des jeunes qui sont plus âgés ou des jeunes qui ont refusé de parler, qui n'ont pas accès aux médias. Donc oui, c'est sûr, ça ne pouvait pas être hyper représentatif, mais on a quand même essayé de vous donner un petit aperçu de la jeunesse aujourd'hui. Les filles, vous voulez rajouter quelque chose ou pas ? Non, c'est bon pour moi. Bon, du coup, oui, c'est la fin de notre émission. On espère que cette enquête sur la place des jeunes aura pu vous apporter quelques réponses. Et on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle émission sur la place de la musique chez les jeunes. Et comme a dit Delia, on se quitte en musique. I've been living dreams. Thank you.